Cette semaine, les détails de la conférence PlayStation 3 au GDC 2006. Un chauffeur de bus congédié, il jouait au PSP. Surprise complètement inattendue, Windows Vista retardé jusqu'en 2007. L'émission qui est soudainement remise à la semaine prochaine commence maintenant. Bonjour et bienvenue à La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Mon nom est Mathieu Plante. Aujourd'hui, mais que de sujets intéressants, beaucoup de nouvelles sur la PlayStation 3. On parle un petit peu de la Revolution. Évidemment, vos nouvelles informatiques suivent à l'instant, mais avant, en musique, voici une pièce tout à fait spéciale que vous ne connaissez pas et que vous réentendrez sûrement chaque semaine parce que je l'aime beaucoup. Voici The Solids, The Future Is Now, tout de suite à La Connexion. Solids, the future is now. C'est fou 89.1. Vous écoutez La Connexion. On parle technologie, informatique et jeux vidéo. Maintenant, c'est l'heure du fil de nouvelles. Première partie des nouvelles qui ont marqué le monde de l'informatique et des jeux vidéo. Cette semaine, on commence évidemment par la PlayStation 3, la grosse nouvelle. Évidemment, avant de commencer ça, je vais quand même amener mon collaborateur réagisseur, si c'est un mot. C'est bon, ça. Danny Janvier, bon, bonjour à toi. Je pense que oui, hein. Non, c'est pas super, ça? Ah, OK, c'est bon. Comme oui, oui. Oh, ah, oui. Ben, si on peut, on peut amener une autre personne ici qui est oui. Le public en studio aujourd'hui. Non, mais c'était cool. Non, c'était plus le micro qui a l'air à sonner carré. En... Il sonne carré. Ouais, ouais, j'aime pas ça. OK, parfait. Donc, Danny Janvier, bonjour. Oui, ça va beaucoup mieux comme ça. Tout va bien pour toi aujourd'hui? Très bien, sauf quand je regarde le nouvel liste. Qu'est-ce qu'il y a, le nouvel liste? Hey, Brigitte Bardot a fait peur. Oui. T'as-tu vu ça? Brigitte Bardot, elle dit okay. qu'elle était la, une des plus belles femmes qu'on a eues sur cette planète quand elle était jeune. Elle l'a déjà été. Voilà. Yeah. C'est terminé. Notre chronique elle. Has been. Bon, oui, bon, c'est ça. OK, donc on commence pour vrai par la PlayStation 3, nouvelle qui t'excite probablement pas tellement parce que tu dis que tu l'achèterais pas avant un bout. Ben, c'est parce que être riche, ça m'exciterait totalement. Là. Ouais. Mais donc, ce qu'on dit cette semaine, on va y aller dans le désordre un petit peu, pas nécessairement dans l'ordre qui ont été annoncés parce que c'était la Game Developers Conference, Convention, Consumer... Ouais, conférence de choses. Celle-là, la conférence des jeux vidéo. Là. Donc, incroyable mais vrai, la PlayStation 3 va être totalement dézonée pour la lecture des jeux. Ça veut dire que, comme pour la PSP, on va pouvoir jouer à des titres de n'importe quelle région, donc que ce soit américain, japonais ou européen, sur sa console. Sur la PlayStation 3, c'est IGN qui a dévoilé cette surprise lors d'une question-réponse, une session de question-réponse avec Phil Harrison de chez Sony. On en rêve déjà d'en pouvoir jouer au prochain Final Fantasy sans attendre sa sortie européenne, disons en France, et le contraire aux États-Unis, si un jeu sort au Japon avant, ce genre de choses-là. Donc, par contre, ça fonctionnera pas avec les films. Donc, les films vont sortir seulement sur la zone américaine, évidemment, parce que pour les ventes, etc., ils veulent pas perdre d'argent. En tout cas, les compagnies de films, vous comprenez le principe. Ici, long article qui détaille tous les détails de la PlayStation 3 qui ont été annoncés au GDC. Donc, après la PS2 et la PSP, Phil Harrison vient de présenter lors de sa conférence de presse les premiers jeux PlayStation 3. Côté matériel, Sony confirme que le disque dur va bien être livré avec la console, un disque dur de 60 gigs. Une connexion haut débit qui va être nécessaire pour profiter des plaisirs du jeu en ligne. Que ce soit sur les systèmes PAL ou NTSC, tout le monde va pouvoir profiter du 1080p sur PlayStation 3 avec la haute définition, donc très très bonne qualité d'image. Phil Harrison présente ensuite une nouvelle vidéo d'un film tournant sur le support Blu-ray. Toujours à propos du Blu-ray, Phil Harrison indique que la capacité du disque va permettre aux éditeurs de pouvoir inclure toutes les langues pour tous les marchés du monde sur le même jeu. Très très bonne nouvelle. Donc ensuite, ça dit ici que pour faciliter les sorties mondiales, une bonne nouvelle, le magazine IGN précise une information de taille. Le nouveau design de la manette de PlayStation 3 va être dévoilé à l'E3 2006, ce qui veut dire que le boomerang que vous avez vu comme manette de PlayStation 3, c'était pas final en fin de compte, ça va être redessiné. Ils ont trop eu des mauvais commentaires. Oui, au soupir de satisfaction de toute la planète au complet. En tout cas. Et c'est ça. Et le boîtier, lui, est-ce qu'il est, lui, aussi est pas mal d'air que t'avais c'est, dit? C'est ça, friche d'air slash capot de char ou congélateur. Ouais. Il est belle, pareil, mais j'aime bien les friches d'air, moi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je suis un grand fanatique de friche d'air. Je vais chez Future Chef pour les friches d'air, c'est bien. Une belle rangée, il y a une belle. Je trouve toujours ça aussi. Belle sélection de friches d'air. Des friches d'air puis des surfeuses chez Future Chef. Ça ne rentrera jamais dans la tête, ça. Donc, nouvelle, ensuite, la PlayStation 3 va être totalement dézonée, si on l'avait déjà dit. Pour revenir au jeu en ligne, l'accès va être gratuit. On va pouvoir télécharger du contenu pour différents titres. Par exemple, on pourrait s'offrir une nouvelle moto dans le jeu MotorStorm, qui est d'ailleurs montré à la GDC. Il s'agit ensuite de la présentation des premiers jeux PlayStation 3, qui est arrivé aussi un moment attendu pour des millions de gens. On a montré 99 Nights, Motorsport, Warhawk, un paquet de jeux comme ça. Sony Computer Entertainment en Europe a apporté un nouveau trailer de The Getaway sur PlayStation 3 avec une caméra qui tourne en temps réel sur la ville de Londres. The Getaway, yeah. Ouais. Ça, j'avais bien apprécié. Et pour terminer avec les logiciels, Sony montre une version PS3 de SingStar. Son nom de code, c'est SongStar, avec la possibilité de télécharger des morceaux en ligne et de concevoir son propre concert. Et on peut ensuite envoyer des photos et des vidéos sur le service en ligne de Sony pour les partager au monde entier. Partager sa musique. C'est du fun, quand même, belle petite innovation. Ensuite, la conférence de presse de Sony, animée par Phil Harrison, il a parlé de la PlayStation 2 en précisant que près de 6000 jeux sont sortis sur la console avec 1 milliard de titres vendus à ce jour à travers la planète. Le producteur de God of War 2 rentre en scène ensuite pour venir présenter le tout premier trailer de son jeu qui est prévu pour PlayStation 2. Tout le monde semble s'emballer par un titre techniquement très abouti, c'est ce qu'on dit dans l'article. Concernant la PSP, Sony précise qu'il s'agit du système qui s'est vendu le plus vite chez la firme japonaise, mieux que la PlayStation première. Le constructeur parle très longuement de sa caméra EyeToy ainsi que du GPS. La caméra arrivera en septembre et les fonctions GPS de la PSP vont arriver cet hiver aux États-Unis. GPS sur PSP, ça commence à faire beaucoup d'abréviations, ça, à mon avis. Et à propos du jeu en réseau, Phil Harrison confirme que la PS3 et la PSP pourront être reliées ensemble grâce au Wi-Fi intégré dans les deux machines. D'ailleurs, une mise à jour de la PSP contenant de nouvelles fonctions en ligne arrivera cet été aux États-Unis. 6000 jeux. 6000 jeux. Aïe, aïe. Incroyable. Non, mais c'est quand même... surprenant. Impressionnant. Impressionnant. Surprenant, ça me surprend pas du tout de Sony de sortir autant de... Non, mais c'est vraiment... Le monde qui ont des PS2, là, ils ont encore quelque chose à s'amuser pour quelques temps. Je pense les gens qui me demanderaient quelle console acheter, dommage à dire, parce que je suis un grand fan de Nintendo, mais j'irai avec la PS2 parce qu'il y a beaucoup plus de jeux. Oh, et quelqu'un dans notre public en studio est absolument pas d'accord avec moi. ça me tente vraiment de le faire participer. Je veux dire, c'est plate à dire, mais je vais demander quand même. Vas-y. Dis-moi, pourquoi t'es pas d'accord avec moi là-dessus, cher public en studio? Ben, Dernièrement, je suis un grand fanatique des Nintendo GameCube. J'ai longuement joué avec ça. D'ailleurs, Super Mario Kart m'a encore et encore et encore fait partie de mes parties avec mes chums de gars. Je pense que c'est comme une drogue pour moi encore de jouer à Mario Kart. Ah, c'est le fun parce que moi aussi, j'adore Mario Kart. Lui, c'est un amateur. Mathieu est un fan de Nintendo. Ah, Game Boy Advance, DS, tout ça chez nous. Moi, tu sais, c'est grand fanatique. En tout cas, mais PlayStation 2 pour la variété de jeux parce que GameCube, même si c'est une très bonne console, la variété de jeux est beaucoup moins grande. Il manque de gore un peu sur le Ça GameCube. Manque de violence. À part pour les Resident Evil, qui est pas mal le jeu de gore par excellence, oh, selon des gens. Il n'y a pas grand-chose de varié. Sur GameCube. Désolé. Non, c'est en effet. Et sur DS, c'est encore pire. Sur DS, il n'y a pas de variété et il n'y a pas de jeu, ou presque. Enfin bon. À part Tetris qui est sorti cette semaine, là, qui moi, j'ai hâte d'avoir l'argent pour Metroid aussi. Metroid Prime Hunters, ouais, qui a l'air. Il est sorti, je pense, le même jour ou dans la même semaine. Très bien fait, en tout cas. Ça a l'air à ça, puis les gens sont très excités de jouer à ça. C'est le fun. C'est une bonne franchise. Metroid, je pense que ça pogne. Ouais. Ensuite, après plusieurs mois difficiles, Microsoft semble avoir le vent dans les voiles pour produire des consoles Xbox 360. La compagnie a officialisé l'augmentation importante de la production à partir de cette semaine. Donc, elle sera augmentée de 2 à 3 fois car la production des composantes est maintenant efficiente. Et l'ajout du partenaire Celestica donnera un coup de main. Dans ce communiqué, Microsoft mentionne aussi qu'elle prévoit avoir 80 jeux disponibles sur Xbox 360 d'ici juin, en incluant les titres Xbox Live Arcade. Le dernier mois a notamment permis de voir plusieurs nouveaux titres sur les tablettes après un creux en décembre et janvier où seul Dead or Alive 4 avait vu le jour. L'objectif de Microsoft est donc clairement de vendre le plus de Xbox 360 possible d'ici le lancement de la PlayStation 3 en novembre. Nouvelle d'ailleurs dont on va parler plus en profondeur tantôt, le fait que la PlayStation, encore une fois, va sortir plus loin que prévu. Un peu comme Windows Vista. Mais c'est pas surprenant, ça non plus. C'est pas une surprise. Non, c'est décevant quand même. Oui. On s'attendait à ça. Oui. C'est Windows Vista, quand j'ai entendu ça aux nouvelles de Radio-Canada, c'était tellement majeur comme nouvelle. C'est la 14e fois que c'est remis, genre. Mais ça a fait les nouvelles de Radio-Canada. Mais ben, ça sortira quand ça sortira. Et quand ça sera prêt. J'aime ça comme ça. Dans le fond, si ça nous donne une meilleure console, mais ouais, ça, ben, c'est mieux d'attendre qu'avoir plein de bugs puis des fils qui explosent puis des fils qui surchauffent. Comme l'Xbox 360. Mais est-ce que c'est une bonne idée côté tactique de marketing non. de la part de PlayStation 3? Parce que l'Xbox 360 va déjà s'être fait la réputation. Ben, ça fait languir les gens. Exactement. Le monde, ils disent, ah oui, peut-être. Puis ça fait parler. Hein. Parlez-en bien, parlez-en mal, parlez-en. Oh, par exemple, là, je pourrais un petit peu te contredire là-dessus. Parlez-en bien, parlez-en mal. Si t'en parles en mal, c'est pas une bonne affaire selon moi. T'sais. Ben oui, mais c'est parce que les gens en parlent. Bien, la Xbox 360, au début, ils en parlaient pas en bien quand elle est sortie. C'est là. Vrai, c'est vrai, ça. Puis là, tout le monde, même moi, je suis allé voir, j'ai des chums qui n'ont une, j'ai pogné de quoi, tu sais, je veux dire, wow. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est quoi le jeu Je peux pas te dire le vrai titre, mais c'est un jeu de boxe. Fight Night Round 3, sur Xbox 360, qui est impressionnant visuellement, mais un petit peu répétitif dans ses mouvements. Donc. Ouais, surtout sur une immense télé. Ouais. C'est assez. C'est une immense télé, voir le chose en train de penser les oui. plaies des se prépare la avec face. La petite brosse. Ouais. C'est fascinant à voir, ça, pour avoir un jeu pour faire des beignes sur Xbox 360, un jeu de faisage de beignes, on pourrait mettre la garniture comme ça avec la brosse, ça serait divertissant. Ouais, genre ou de je sais pas, une opération à cœur ouvert. Est-ce que t'as vu le jeu sur Nintendo DS Cooking Mama? Non. Tu dois faire des recettes. C'est ça, ce qui paraît très attendu, ça. Tu brasses avec ton petit stylet. C'est ton stylet, ça. Tu coupes du poisson, c'est... Ils vont peut-être offrir une cuillère, stylet. J'aime ta façon de penser. Microsoft a annoncé qu'elle a conclu une entente exclusive avec Epic Records afin de faire la promotion d'artistes via le service Xbox Live. Cette entente d'une durée d'un an permettra ainsi à Epic Records d'offrir de la musique et des clips de certains de ses artistes via Xbox Live Marketplace sans frais additionnels. À chaque mois, Epic Records va faire la promotion d'un de ses artistes. C'est comme un petit peu l'artiste du mois de Musique Plus. Bon, plus poche. Enfin, moins poche, pardon. L'ADM. Oh. C'est mauvais. Ouais. Ouais, pas super. Via le programme Artist of the Month. Via Xbox Live Marketplace, vous allez pouvoir télécharger de la musique, des clips et des entrevues du chanteur ou de la chanteuse mises à l'avant chaque mois. Fascinant. La rumeur d'une console portable en préparation chez Microsoft commence à devenir de plus en plus crédible avec le journal Mercury News cette semaine qui vient de mettre son grain de sel en apportant son lot d'informations. Évidemment, grosse rumeur, absolument rien de véritable là-dedans, c'est sûr. Selon le journal américain qui a rédigé un article à ce sujet, la console portable de Microsoft serait une réalité. Selon les sources de la publication, la console en question ne serait qu'au début de son développement avec une sortie pas avant l'année 2007. Jay Allard de Microsoft Games serait à la tête du projet avec Greg Gibson et Brian Lee qui travaillent tous les trois sur le support Xbox. Concernant la machine en question, l'article annonce qu'elle devrait concurrencer à la fois Nintendo et sa DS, Sony et sa PSP, mais aussi le fameux iPod d'Apple. Elle aurait donc des capacités multimédia avancées. Et quoi qu'il en soit, ça reste pour le moment au rang d'une rumeur et la nouvelle a été publiée lundi. Et il n'y a pas eu de mise à jour depuis ça, là, donc c'est sûrement, ça n'a rien à voir. Je l'ai pas vu sur aucun site autre que jeuxvideo.fr, donc on pourrait peut-être attendre à l'E3 2006 pour avoir plus de détails là-dessus. Mais pour l'instant, c'est quand même bien de savoir que ça se pourrait. T'sais? On en parle. On en parle. Microsoft, encore une fois, est le dernier à arriver et ensuite va dépasser les autres. Peut-être. C'est ce qu'ils font, c'est leur façon de faire, je pense. Politique. Écraser les autres. Oui. Exactement. Copier et écraser. Copier Apple, copier Sony, copier Nintendo. Copier-coller. C'est eux autres qui ont inventé le copier-coller. Non, je pense qu'ils ont copié-collé l'idée de quelqu'un d'autre. Pour exactement. C'est copier-écraser, eux autres. Copier et destruction. L'édition du 20 mars 2006 du quotidien britannique Sun rapporte le congédiement d'un chauffeur d'autobus de la compagnie Blackburn Transport. À première vue, ça peut sembler banal, mais c'est la raison du congédiement qui est plutôt inusité. Le chauffeur, et là, c'est vraiment, ça m'a jeté quasiment par terre. Si ma chaise inconfortable m'avait permis, j'aurais pu me jeter à terre. Mais en fait, moi, je suis tellement inconfortable dedans que... Attention. Donc, le chauffeur Steve Alcock. Avait été dénoncé par des clients terrifiés qui entendaient les cris de personnes étant tuées lors des arrêts dans l'autobus. Le chauffeur a été congédié car l'enquête a clairement montré qu'il avait un appareil portatif sur les genoux pendant son travail. Et cet appareil-là s'est avéré à être un PlayStation Portable, un PSP de Sony. Un passager a affirmé qu'il jouait à la PSP non seulement aux arrêts d'autobus, mais aussi aux feux routiers et pendant que le véhicule était en mouvement. Okay? Donc, il semblerait que Alcock jouait à Grand Theft Auto. Surprenant. Bien que cette information ne soit pas confirmée dans l'article. Heureusement, aucune conséquence fâcheuse n'a résulté de ce comportement extrêmement dangereux. Et je pense qu'il y a des problèmes. Mise sur toi, je dirais. Ouais, écoute. Il y a des lignes à 800 pour ça. Je suis pas sûr, mais en tout cas, il faudrait qu'il y en ait une. Attends, c'est ton break, au moins. T'sais. Au moins, déjà que tu prends des breaks assez régulièrement si t'es un chauffeur d'autobus, tu peux en profiter pour jouer à ta PSP. Ils sont tout le temps sur le break. Café et PSP. Faut que tu choisisses parce que là, t'auras pas le temps de te le boire ton café si tu joues à PSP. C'est ça que je dis là-dessus. Alors, on va aller écouter une pièce de Archigéant qu'on a découvert à La Chance au Coureur, l'émission de nouveautés musicales, les vendredis à 11h la semaine dernière. L'album s'appelle Hyper Grand Méga Colosse Super Immense. L'artiste, c'est Archigéant. Et voici tout de suite les Joyeux Bouchers. Vous écoutez CNX, on parle technologie, informatique et jeux vidéo. Avec Danny Janvier, le gars de Chose l'émission La Nouvelle. Bruno Bolduc, enchanté. On t'a même pas présenté. Si on c'est pas grave, c'est pas grave. Qui anime l'intoxication électronique les vendredis à 1h à partir de... Dès vendredi juste là? Oui, monsieur. Impressionnant. Ah, oui. Je vais m'intoxiquer les vendredis soirs parce que les vendredis soirs, Mephisto Show, ensuite votre séance d'électrochoc qui vous aboutit. Et après ça, vous êtes encore là. Ils vous remettent là, dans l'intoxication. C'est comme tu reviens, tu sais. Ça va être toxique. C'est pas une bonne campagne. Campagne publicitaire, ça marcherait pas avec ça. C'est fort reposant. Non, c'est ça. Archigéant tout de suite. Restez là, t'sais. À bouffer, faut que les gros puissent se moinfrer, faut que les petits puissent s'engraisser. Faut que ça saigne, faut que les mandataires au hall puissent s'en fourrer plein la dalle du filet à 800 balles. Faut que ça saigne, faut que les peaux se fassent tanner, faut que les pieds se fassent paner, faut que les têtes aillent mariner. Avaler de la barbaque pour être bien gras quand on claque et nourrir les vers communs. Faut que ça saigne. C'est le tango des joyeux militaires, des gays vainqueurs de partout. puis sur la baïonnette. Faut que ça rentre ou bien que ça pète, sinon t'auras une grosse tête. Faut que ça saigne, démolissant quelques-uns, tant que si c'est des cousins, fais-leur sortir le raisin. Si c'est pas toi qui les crève, les cousins prendront la relève et tu joueras la vie brève. Demain ce sera ton jour, demain ce sera ton tour, plus de bonheur et plus d'amour. Retour Windows Vista retardé à 2007 et Gator, spécialiste du pop-up, fermera bientôt ses fenêtres. Hein, c'est au retour dans CNX, ça répète plus punchy que ça. CNX! CNX! Ok. Bon retour à CNX, on parle technologie, informatique et jeux vidéo. Mon nom est Mathieu Plante, avec Danny Janvier, c'est bien Bruno Bolduc son nom. Hein, je pense que c'était ça. Ok, donc bon retour, on parle maintenant avec vous autres, à la maison et avec vous en studio, de nouvelles un petit peu plus informatiques. Pas changement, t'sais. Faut checker ma technique aujourd'hui, je suis vraiment à chier. Donc, on commence par Windows Vista qui va être repoussé. On s'attendait pas du tout à ça. C'est comme moi, je me suis réveillé cette semaine, puis... Vraiment surpris. J'étais surpris. Donc, Microsoft avait pourtant promis à de nombreuses reprises que Windows Vista, son prochain système d'exploitation grand public, allait être disponible pendant le deuxième trimestre de 2006. Promesse non tenue puisque la firme vient une nouvelle fois de retarder cette sortie très attendue. Microsoft a effectivement fait savoir que Windows Vista serait finalement disponible qu'à partir du mois de janvier 2007. Le numéro 1 du logiciel PC, qui se heurte à de nombreux problèmes de développement, avait déjà dû annoncer plusieurs retards auparavant. Plusieurs fonctions et modules avaient également été évincés de la version 1. Évincés, il avait été mis au balotage. Oui, oui. Ce sera donc... Et mauvais. Ce sera non, donc c'est bon, moi, ici le maître du loft. Ok. Ce sera donc 6 ans après la sortie de Windows XP que le nouveau système d'exploitation de Microsoft devrait théoriquement arriver sur le marché. S'il n'y a pas un autre retard. 6 ans après la sortie de Windows XP. Ça fait 6 ans que Windows XP existe. Moi non plus, je me semble que ça faisait pas si longtemps. C'est récent, je sens, mais non. Ah, les gars. Ah, j'ai de la misère avec quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. J'avais quel âge dans ce temps? 12 ans. Okay. Donc, par le fait même, Microsoft a justifié ce retard par le fait qu'il souhaitait améliorer la sécurité de son système et peaufiner le développement. Et il voulait aussi qu'il ressemble plus au Mac OS. À Mac OS 10, absolument. C'est vrai, je dis qu'ils ont essayé. Oh, il ressemble pas encore. T'as vu les nouvelles captures? Non, mais ça doit être hallucinant comment ça ressemble. Allez voir sur le site cnx.cif.ca, celui qu'on n'a même pas encore mentionné une seule fois depuis le début de l'émission. cnx.cif.ca. J'ai posté des photos. CNX comme dans Connexion, on comprend? Okay. Donc, allez là-dessus et j'ai posté des photos de la nouvelle version, de la plus récente version de Vista, puis c'est Mac version Lite. Genre. Ensuite, ce nouveau retard n'a pas été très bien accueilli par les fabricants de PC et les fabricants de mémoire qui attendaient de pied ferme Windows Vista pour améliorer leur vente de façon significative. Toutefois, les versions entreprises du système pourraient être proposées dès novembre 2006. Quant au prochain pack de mise à jour important de Windows XP, le service Pack 3, il ne sera pas distribué avant le deuxième semestre de 2007. Ce que ça veut dire, c'est que la version Business et Enterprise de Windows Vista vont sortir en novembre quand même, mais la version consommateur normale, vous et moi, en magasin, ça va être en janvier 2007, minimum. OK? On aura le service Pack 3. Et voilà, on a au moins Windows XP qui est encore très, très fonctionnel. Bien, très, très bien, très, très bien. Bien oui. On n'a pas à avoir une bombe de 2008. Ouais, exactement. Parce que là, imagine la bombe, ça va demander pour gérer toutes les beaux petits icônes, puis les petites affaires qui flashent. Même Microsoft eux-mêmes ont sorti un outil pour te dire ton pourcentage de compatibilité avec Windows Vista. Il y a une compagnie, un site web, peu importe, qui a testé ça sur un laptop des plus récents, le Dual Core Maximum, là. Puis il a même pas réussi à se rendre dans les tests dans un pourcentage convenable. Il était genre dans les 75, je sais pas pourquoi. Il a dû à bugger. Il a dû à planter. À cause de ça, c'est magnifique. Bravo. C'est ça. Ben, c'est tout simplement qu'ils attendent. Ils font un Windows qui est même pas compatible avec les ordinateurs qui sont présentement en train d'être faits. Non, ça va te prendre une nouvelle bombe là, incroyable. P5. Pour nous faire acheter encore, bien évidemment. Exactement. Ridicule. Ah, regarde. Claria, une firme qu'on connaît pour ses pop-up, il s'appelait Gator avant, c'est ceux qui faisaient le logiciel Gator. Donc Claria, qui s'appelle maintenant, ont annoncé qu'elle allait se retirer du marché des logiciels publicitaires d'ici la fin du second trimestre 2006. Fondée en 1998 sous le nom de Gator, la firme prétend avoir révolutionné le secteur du marketing en ligne grâce à ses logiciels capables d'afficher des fenêtres de type pop-up adaptées aux intérêts des internautes. Ces publicités hautement ciblées pouvaient être livrées après l'analyse des activités de navigation des internautes, ces informations étant traitées de façon anonyme selon l'entreprise. Donc, Clario a annoncé qu'il compte maintenant quitter le secteur des logiciels publicitaires et vendre ses services Gain et Behavior Link. La firme prétend fournir des publicités de plus de 1000 annonceurs à des dizaines de millions d'internautes. Donc, on va pleurer le départ de Claria. Ça va être vraiment triste. Ah, des publicités adaptées aux internautes. Oh, écoute, oui. Moi, adaptées aux internautes, c'est pas de pub. Là, ce qu'il faisait, c'est qu'il checkait où t'allais, puis il te proposait des pubs par rapport à ce que tu visitais. C'est pas correct, de toute façon. En tout cas, quelques jours à peine après la fin du concours qui consistait à installer Windows XP sur un Mac doté d'un processeur Intel, voilà qu'un nouveau défi est lancé, celui d'installer la prochaine version de Windows sur ces mêmes ordinateurs, donc Windows Vista sur un Mac Intel. Alors que Microsoft annonçait la sortie de Windows Vista reportée à l'an 2007, le projet OS X 86 soumet à la communauté des cracks en informatique le nouveau défi de pouvoir exécuter ce système d'exploitation sur des Mac Intel avant le lancement de la version définitive du successeur de Windows XP. Dans son article de présentation, le projet OS X 86 précise que la solution logicielle qui devra permettre l'amorçage de Windows Vista ou de Mac OS X à l'allumage du Mac Intel serait publiée en code source libre. Mais contrairement au concours Windows XP sur Mac Intel qui offrait un prix de 14 000 $ US, celui-ci fait davantage appel à l'honneur puisque la récompense offerte se chiffre à un tout petit 1 $ US symbolique. Là où les gagnants seront toutefois autorisés à porter le titre de maître de Vista, indiquent les organisateurs du concours lancé sous le signe de l'humour. Les règlements officiels du concours s'énoncent comme suit. Posséder un ordinateur, appartenir à une forme de vie basée sur le carbone, c'est-à-dire c'est votre cas si vous êtes originaire de la Terre. Et enfin, ne pas être un admirateur de Frank Sinatra. C'est plus une blague que d'autres choses, ce concours-là, mais quand même. Mais là, Vista en bêta, ça? Ouais, c'est ça, une version bêta de Vista sur un Mac Intel avec un menu de bootage que tu as le choix de choisir soit Mac OS X ou Windows Vista. OK. En tout cas, moi, j'aimerais savoir ça. Bonne chance. J'aimerais voir la vidéo de ça. Et pas un fake. Facile à faire, un fake. Silence. OK. Sans tambour ni trompette, Google a lancé une version de test d'un service proposant notamment des nouvelles financières ciblées et des cours boursiers. Le service Google Finance s'adresse principalement aux internautes qui désirent suivre l'évolution et l'actualité d'entreprises selon une perspective financière. Ainsi, en saisissant le nom d'une entreprise dans le champ de recherche, on obtient une page qui rassemble une bonne quantité d'informations, manchettes, actualités, performances boursières et des graphiques interactifs avec Flash. Ce qui veut dire que tu peux littéralement pogner le graphique puis le tasser pour avoir des différentes... des affaires du passé, des affaires du... On se comprend, je ne pas trop. C'est différentes informations, merci beaucoup. Comme ça. Les internautes qui possèdent un compte Google peuvent se constituer un portefeuille afin de suivre l'évolution et la valeur des actions d'entreprise et de fonds de placement, un maximum de 200. Dans le blog de Google, on explique que les manchettes présentées par Google Finance proviennent de la version anglaise de Google News, le service d'actualité qui compte les mises à jour de quelques 4500 sites. Ce service est actuellement au début de sa phase bêta et ses fonctionnalités pourraient donc être améliorées et diversifiées au long de son développement. Les détails sur Google Finance, finance.com/google.com. Comme tu dis. Finance.google.com étant l'adresse en français. Merci. Vengeance d'une fille humiliée par son père sur le web. L'utilisation d'un site web pour humilier quelqu'un est peut-être efficace, mais les chocs en retour sont toujours possibles. Il y a 2 semaines, Steve Williams, un père exaspéré par le désordre régnant dans la chambre de sa fille, a eu la brillante idée de prendre quelques photos du Capharnaüm, le désordre de l'information, et de les placer sur le site web shameit.com, espérant ainsi forcer son enfant à entreprendre un ménage majeur. Cette stratégie d'humiliation publique aurait assez bien fonctionné puisque la chambre de sa fille Claire, une étudiante de 20 ans, serait dorénavant 100 fois mieux qu'auparavant, à défaut d'être parfaitement rangée et nettoyée. C'est ce que souligne Steve Williams au Guardian. Cependant, Claire Williams, ayant conçu un site web pour illustrer des facettes moins connues de son père, notamment des photos du désordre de son garage, entre outre, en français. En outre, des amis de Steve Williams, qui jugeaient que sa sanction était très sévère, ont décidé de participer au projet de sa fille en fournissant des photos sur lesquelles il était en état d'ébriété. La fille avait pris sa revanche pour le faire. Quant à Shamit.com, il invite tous les parents du monde à expédier des photos des chambres désordonnées de leur progéniture, une stratégie qui semble si populaire que, à ce qui paraît, que le site était plus connectable. Voulant dire qu'on pouvait plus s'y connecter pendant quelques heures, il y avait un message d'erreur indiquant qu'il y avait trop d'utilisateurs. Je sais pas s'il y a de retour. Là, c'est rendu que les gens font exprès pour mettre à l'envers leur chambre, faire des photos, puis envoyer. Pour avoir leurs 15 secondes de célébrité sur Internet. Exact. C'est rendu ça, je pense. Mais change chantage, pareil, même les parents, là. Tu te ramasses pas, chérie, mais là on m'a demandé sur Internet. Moyen de pression. Les CPE devraient peut-être se mettre là-dessus. Ensuite. On va te mettre sur Internet en bas avec des vieilles bobettes dessus. Ton vieux t-shirt déchiré. Que je te vois y passer. Une cour chinoise vient de condamner un enseignant à 10 ans de prison pour avoir publié sur Internet des textes d'opinion contre le gouvernement de son pays. Ce dissident rejoint ainsi de nombreux autres écrivains et intellectuels qui ont osé prendre parole sur le web. Le jeune professeur de 27 ans, Ren Ziyuan. Le jeune professeur. J'ai déjà pensé à appeler l'émission Les Processeurs. Ça serait très bon. C'était un nom prototype. Ensuite. Donc, Ren Ziyuan a été reconnu coupable par la cour intermédiaire de Jining dans la province de Shandong de contestation envers le pouvoir de l'État pour avoir publié de nombreux essais sur le web, dont un tract qui s'intitulait « The Road to Democracy, la route vers la démocratie ». Selon HRIC, le texte en question soutenait que les citoyens avaient le droit d'user de force pour renverser les régimes despotiques. Ziyuan a été arrêté au mois de mai dernier, puis son procès a suivi quelques mois après. Selon son père, qui était présent lors des comparutions de son fils, ce dernier aurait également été accusé par les procureurs de concocter la formation d'un groupe politique, le Mainland Democratic Frontline. L'avocat de Ziyuan, Zhang Chengmao, entend amener la cause en appel. Cheng Mao a depuis rappelé que la poursuite n'a présenté aucune preuve quant à l'implication des géants du net dans le dossier de son client. Néanmoins, Yahoo a déjà reconnu avoir collaboré avec les autorités chinoises en fournissant de la documentation en lien avec des affaires similaires. Selon les avocats du pays, la sentence maximale pour contestation envers le pouvoir de l'État est de 15 ans de prison. 15, hein? 15 ans de prison. Pour des opinions? Non, mais tu sais, pas juger, mais on peut le faire, mais on... On peut, on le fait, tu sais, oui. C'est fait. pas tellement d'accord avec ça. En tout cas. Qu'est-ce que tu veux faire? Vive la liberté d'expression. Prochain sujet, puis le fasse. Oui. OK. Avec des stickers, notre char. Liberté. Liberté. Parlant de... est-ce que tu as vu l'ordinateur? C'est parce que le lien est impossible à ne pas faire. Hey, c'est vrai, hein? Donc, c'est cette semaine... Je l'avais même pas vu. Non, justement, c'est cette semaine que Jeff Fillion a retrouvé ses fidèles auditeurs, non pas sur les ondes de Choix FM, mais plutôt en ligne grâce à Radio Pirate, cette nouvelle station au contenu diffusé sur Internet. Est-ce que tu sens le sarcasme? Est-ce que tu sens le sarcasme dans ma voix? Supposé entrer en ligne, donc il est entré en ligne en fait à 8h, après je sais souvent, c'était 8h vendredi. Exactement. 8h vendredi. Le site web demeurait difficile d'accès aux alentours de 9h, évidemment, à cause du poids des gens qui allaient voir ça. Quoi, après, c'est juste des gros qui sont... Non, mais toi, t'as brisé ta PlayStation 2 en t'asseyant trop dessus. Oui, mais je suis trop dessus, exact. Après quelques tentatives infructueuses de téléchargement, donc une version allégée du site web offrait aux internautes de téléchargement. Il y a eu une version allégée, là ensuite, ils ont réussi à remettre la version correcte et complète en ligne. Donc, un internaute s'étant déjà prémuni d'un abonnement peut accéder à la radio de Fillion en y inscrivant son nom d'utilisateur et son mot de passe, mon Dieu. Pas moyen toutefois pour les nouveaux arriveurs de s'y abonner. En tout cas, à ce moment-là, l'article est vieux. Je sais même pas pourquoi je lis ce passage-là. C'est de retour, je suis allé voir sur le site, tu peux t'inscrire à 5,95$ par mois. Ouais, exactement. Etc. Lui, je pense qu'il est déjà abonné, c'est ça? Non, je suis pas abonné aucunement. J'ai vu ça, je pense, mon chum de gars, là, il est justement sur Radio Pirate, puis 5$, me semble. On dirait Jojo Médium, je sais pas, mais abonne peut-être pas pour ça. Genre. Fillion a fait un passage, bon, on sait, tout le monde en parle, blablabla, sinon, mais place cet article-là. Rappelons que l'animateur jouira d'une liberté totale grâce à son nouveau forum numérique, blablabla, c'est plateradiopirate.com et l'adresse du site radiopirate.com. Et allez-y, puis inscrivez-vous, puis téléchargez les podcasts. Amusez-vous. Si vous voulez. Si vous voulez. Mais à la place, vous devriez peut-être aller sur cnx.ca qui offre lui aussi des podcasts. À Saint-Denis-99? Non, gratuit! Gratuit! On vous en donne 42 par semaine parce que non seulement vous avez la connexion, vous avez la chance au coureur, et c'est un extra, l'émission exclusive au web, qu'il y a un nouvel épisode au moins par semestre. Si je m'en ai dit, y a-t-il une nouvelle émission? Un petit peu occupé de ces temps-ci, mais oui, on prévoit un nouvel épisode. Ça me tente d'en faire un sur les gadgets bientôt. Donc, spécial gadget. CNXtra, CNX.ca. Hein? Émission hermétique. Hermétique. C'est positif, ça, ou négatif? Non, ben, c'est hermétique quand même, parce que c'est poussé. Exactement, c'est beaucoup plus, comment dire, tu sais. Hein? C'est ça. Hermétique. C'est ça, je disais. On s'en va entendre Death Cab for Cutie. I will follow you into the dark. Suite ouais, à CNX. Ah, c'est plus 89 ans. Tu ne suivras pas, toi. Tu ne me suivras pas jusque dans ma noirceur. Non, hein. C'est dommage. Essaye pas. Je vais t'attendre quand même. Avec espoir. Love of mine, someday you will die, but I'll be close behind. I'll follow you into the dark, no blinding light, or tunnels to gates of white, just our hands clasped so tight, waiting for the hint of a spark. If heaven and hell decide that they both are satisfied and illuminate the nose on their vacancy signs. If there's no one beside you when your soul embarks, then I'll follow you into the dark. In Catholic school, as vicious as Roman rule, I got my knuckles bruised by a lady in black, and I held my tongue as she told me, son, fear is the heart of love. So I never went back. And if heaven and hell decide that they both are satisfied, illuminate the nose on their vacancy signs. If there's no one beside you when your soul embarks, then I'll follow you into the dark. You and me have seen everything to see, from Bangkok to Calgary. The soles of your shoes are all worn down. The time for sleep is now, but it's nothing to cry about, 'cause we'll hold each other soon in the blackest of rooms. And if heaven and hell decide that they both are satisfied, illuminate the nose on their vacancy signs. If there's no one beside you when your soul embarks, then I'll follow you into the dark. And I'll follow you into the dark. Death Cab for Cutie avec I Will Follow You Into the Dark de l'album Plans à CNX. On parle technologie informatique, jeux vidéo, vous le savez, depuis 11h et jusqu'à 13h les jeudis. En rappel, les mardis de 10h à midi avec Mathieu Plante, Danny Janvier. Et aujourd'hui, invité spécial de l'émission L'intoxication électronique, Bruno Bolduc. Yes, la Bolduc, j'étais presque proche. Il y a même la bière aussi. Oui, Bolduc, c'est vrai. OK, donc on est rendu un autre bout de l'émission, un bout que j'aime bien appeler le bout de mashup où je mets un paquet de conneries différentes. OK, on commence cette semaine par ici une clé USB qui s'auto-détruit. OK. Donc, on sait qu'on aime bien la sécurité sur les clés USB. Au cas où qu'on la perde, on voudrait pas que quelqu'un puisse partir avec nos données. Donc ici, non seulement les données, commencer. Ni notre porn. Particulièrement beaucoup de porn, parce que ici, c'est une clé USB 4 gigs. Jamais ma porn. 4 gigs de porn. Jamais sans ma porn. Donc, non seulement elle encrypte les données avec une 128 bits AES, blablabla, mais ensuite, ça ajoute une autre couche de sécurité. C'est de l'autodestruction, littéralement. Donc, c'est que si quelqu'un utilise une attaque brute force pour essayer de deviner votre mot de passe, avec des dictionnaires, des affaires comme ça, le disque dur va automatiquement s'effacer après 25 mauvaises, comment dire, devinettes, mauvaises pièces, mauvaises essais, c'est ça. Donc, évidemment, si vous avez un mot de passe, c'est très facile. Je crois qu'un voleur pourrait réussir à trouver ça en dessous de 25 fois. Ouais, c'est ça, me semble, c'est quand même pas mal. Mais si vous choisissez un mot de passe moyennement difficile avec des lettres et des chiffres, comme vous devriez le faire, ben, le voleur, il va avoir une belle surprise en voyant que vos données sont complètement détruites. Ça pourrait exploser aussi, ça serait drôle. Ça serait encore plus mieux. Le voleur, il serait vraiment... Ça va lui péter à la gueule. Ça me fait penser à Inspecteur Gadget quand le lettre se détruit. Go, go, gadget! Le message s'auto-détruira. Penny. Non, personne n'écoute Inspecteur Gadget. C'est la petite fille, Penny, ça? Penny, c'est la petite fille. Ah, Penny, c'est la petite fille. Ouais. Bon. Ensuite, Samsung vient de lancer ce qui croit être le premier disque dur basé sur la mémoire flash 32GB NAND. Donc, c'est un remplacement de disque dur. La compagnie dit que c'est un disque à état solide qui peut accéder aux données trois fois plus vite qu'un disque dur normal et peut écrire des fichiers une fois et demie plus rapidement. Hein? Quand même. Sûrement beaucoup plus résistant aussi. Oui, aussi. Une pièce mobile. 2.5 pouces, ça opère sur 5 volts et se connecte à un, et j'ai de la misère avec ça, avec un bus ATA parallèle Ultra DMA 66 MHz. Genre d'informations que vous allez avoir à la CNXtra. C'est le genre de choses que j'aurais dû sauter et faire à CNXtra à la place. C'est quand même intéressant. Oui, là, on dit du passe. Le Wow Pen, qui est de la compagnie Wow Pen USA, New Technology Computer Mouse, c'est une souris qui se tient comme un crayon. Ben, un peu, là. Je sais pas si vous voyez la forme ici, à la maison. Dos, genre. Ou encore. À... C'est louche. Ça dépend du petit temps, en fait. Avoue que c'est louche. Ça met des mauvaises manettes. T'as raison. Mais ça empêche apparemment le syndrome du tunnel carpien. Il paraît qu'il y a des gens qui ont été retrouvés assis dessus. durant une longue séance de chat érotique. Ouais, avec ce bruit-là aussi. Je sors de mon canard. Donc, c'est une souris verticale, ergonomique, meilleure qu'une souris normale, supposément, évidemment, selon la compagnie. Design ergonomique avec boutons faciles d'utilisation et scroll qui s'agrippe mieux pour un enfant, un adulte, etc., qui empêche le syndrome du tunnel carpien. Excellente communication sans fil. Récepteur RF très compact et chose de recharge compacte portable pour en tout cas. Et en plus, elle vibre. Vous pouvez... Comme le PS2. Vous pouvez aller voir sur le... Ça vibre. WowPenUSA.com, WowPenUSA.com ou encore le 1-888-373-1222. Ensuite, une souris silencieuse. Mm-hmm. C'est une souris USB qui est compatible avec Windows 2000 XP et Mac OS X, la Silent Mouse, qui utilise un senseur optique 800 dpi et qui mesure 60 par 105 par 35 mm et qui pèse 90 grammes. Donc, ce que c'est ici, si le son de votre souris, quand vous faites clic-clic, ça vous fatigue, eh bien, Tenco a la solution pour vos problèmes de vocalisation de souris, si vous voulez. La Tenco Silent Mouse, donc la roue et les boutons ont été, muettés. Muettés, j'aime ça. Ah, nouveau verbe. Donc, c'est magnifique. Donc, allez voir la photo. Je sais pas comment ça marche, mais j'imagine que c'est comme une espèce de caoutchouc qui empêche le son de sortir. Clic. Qui quoi? Qui fait pas de clic. Et elle une suspension sur une voiture. Exactement. Elle ne vibre pas, par contre. Non. Vraiment pas. J'ai un lecteur CD avec un vieux Game Boy branché dessus. Ça fonctionne par Atapi, je sais pas trop quoi. Donc, il y a les instructions pour le faire à la maison. Donc, ce que c'est que le Game Boy est branché sur un appareil. Et c'est le Game Boy qui contrôle la musique qui joue. Et je crois que la musique sort du Game Boy en tant que tel. Donc, vous avez besoin d'une vieille cassette de Game Boy, de circuit. Vous avez, je sais pas, il faut souder ça d'une certaine façon. Je comprends pas trop, mais c'est fascinant. On attend que Mathieu en fasse un et il l'amène en studio. Tu risques d'attendre longtemps. Mais un nouveau iPod dans le fond. Oui, c'est ça, c'est l'iPod nouvelle génération. Achetez-vous un iPod, pas moins compliqué. Je pense que ça va être mieux. Mais beau petit projet de bricolage pour jour d'été. Et ici, parlant de jour d'été, faites des figurines avec des câbles. Oh. Hein, la personne a pris des câbles, comment t'appelles ça, 4-5, c'est les câbles, 4-5? Ah, okay, ouais. En tout cas, plates, tu peux les engager. L'autre photo, c'est ça. Donc, c'est ça. Il fait un frame à la base en faisant des nœuds dans le fil. Et ensuite, il enroule d'autres fils autour, puis ça fait des figurines, c'est magnifique. Bientôt, disponible chez McDonald's, j'entends dire. Bientôt dans les joyeux festins. Ça va être la surprise de Joyeux Festin. La grosse surprise. Payer tout un choc. Branchez-le pas dans quelque chose, par exemple. Pour terminer cette première heure d'excellence qu'on appelle Scénix, la connexion C'est fou 89.1, c'est son nom complet. Oh, oui. Donc, les anciens, Non Sleep et Bitshifter, ok? C'est deux gars qui sont déjà fait emprisonner, en prison littéralement, pour leur art. Parce que ce que ça dit ici, leur histoire, c'est qu'il y avait distribué des clients à New York pour un concert du groupe 8-Bit. Donc, Non Sleep et Bitshifter se sont fait avoir par des policiers qui étaient habillés en civil, qui leur a mis des menottes et qui leur a dit qu'un New York plus propre est un New York plus sécuritaire. C'est ce qu'il a dit. Ils faisaient du flying. Ils faisaient du flying, mais c'est pas accepté là-bas. Donc, ils ont été en prison pendant... Ils ont accepté nulle part, je pense. Non, je pense pas. Ils ont été acceptés par... ils ont été mis en prison pendant 3 heures. Là, ils sont de retour avec leur mélange, si on veut, de beep, de bloop et de blizzard de Boston à Bruxelles. Donc, si vous êtes pas, si vous connaissez pas 8-Bit, on va aller entendre la musique, hein? Parce que quoi de mieux que la série en concert dans la connexion? C'est le retour inattendu, impromptu et insignifiant de la série en concert. C'est-à-dire, on vous présente plusieurs pièces de jeux vidéo pendant quelques semaines de suite, et la semaine prochaine, on en passera quelques autres. Mais aujourd'hui, on va l'entendre, Bitshifter Exad Eomal Genome. Je crois que c'est bien ça. C'est exactement ça. On s'en va entendre ça tout de suite à CNX, Technologie Informatique Jeux Vidéo. Et puis, on revient pour la deuxième heure, dans quelques minutes, à CFOU 89.1 FM. J'aime ça, c'est bon. CNX, ça c'est fou, 89.1 FM. Ouais. Bon retour, c'est la deuxième heure de la connexion. On parle technologie, informatique et jeux vidéo. Mon nom est Mathieu Plante, comme toujours en compagnie de Danny Janvier. Bonjour. Et de Bruno Bolduc. Exactement. Je l'ai eu. Oui, bravo. Yes. Une belle gommette pour tantôt. Hey, on a un super scoop à vous annoncer dans quelques secondes, mais pour vous tenir en haleine de ce scoop au sujet de Nintendo et le nom de sa console, en musique, voici Lensology. Tout de suite. Hein? C'est suspense quand même. Ah oui, un vrai thriller. Running down the street and I can't stop now. I have a picture in my hand of the place I've got. When things are done will never be changed. And the things that are ahead are happening now. Lensology avec Let's Go On de leur album The Hope Museum à la connexion par technologie informatique jeux vidéo. Vous le savez, vous l'aimez. OK. C'est l'heure d'annoncer le scoop. On veut le scoop. Le scoop d'une rumeur, par contre. Parce qu'on sait pas encore si c'est vrai, mais apparemment, selon Engadget.com, une nouvelle qui vient d'être postée ce matin à 9h41, apparemment que le nouveau nom de la Nintendo Revolution serait Nintendo Go. Mais encore là, c'est au stade d'une rumeur, parce qu'au moment d'écrire l'article à 9h41, il était minuit au Japon. Donc, ce qui veut dire que présentement, en direct, jeudi, le 23 mars à 12h15, il serait comme 3h du matin au Japon. Donc, ça risque d'être annoncé plus tard dans la journée, c'est-à-dire demain, vendredi. Mais ici, dans la nouvelle, on dit que l'éditeur de Engadget version Japon a annoncé sur Engadget.com, le site américain, qui avait trop peu d'informations pour savoir ce qui se passe en ce moment, mais que le texte qu'on voit dans l'image à droite, qui est du japonais, serait apparemment du vrai japonais. Des mots comme la marque et contient système et technologie, blablabla. Il y a des vrais mots là-dedans, donc c'est pas du faux japonais. Et dans les commentaires, on dit que certains gens pensent que c'est le nom du service en ligne de Nintendo. Ça fitterait, par exemple, avec le nom Nintendo Go. Ça serait Nintendo vraiment... Game Online, supposément, selon certains c'est gens. C'est pour ça que je... Ouais. Le nom de la boîte, je pense que ça va être plus le service en ligne. C'est surprenant. Sauf qu'en même temps, si tu regardes le logo, bon, là, faut s'imaginer, faut se mettre en tête que ça pourrait être un faux logo. Apple, Nintendo, ça arrive souvent qu'il y a des faux logos qui sont leakés comme ça sur Internet. Mais si on regarde à l'intérieur du logo de Nintendo Go, on reconnaît le cube de GameCube. Ouais, exactement. Ouais. Donc là, ça pourrait plus être une console qu'un service en ligne, parce qu'un service en ligne, pourquoi il y aurait le cube de GameCube dedans? Okay. Ensuite, on explique que le mot en japonais Go, ce serait le chiffre 5. Donc, la cinquième console de Nintendo, là, ça a du sens. Là, quelqu'un suggère Game Operator. enregistrés. Un paquet d'autres commentaires qui suivent. Quelqu'un qui traduit le texte de l'affiche, etc., etc. On va vous tenir au courant. Évidemment, c'est une extrêmement rumeuriste rumeur. On capote. Étant le nouvel objectif. Ouais, je suis sûr que oui. Mais moi, en tout cas, je trouvais ça cool comme nom, là, Nintendo Go. C'est cool. Et pourquoi encore utiliser le mauve, par contre? Non, mais sérieusement, c'est quoi la manie du mauve chez Nintendo? Là, il semble plus bleuté. Ouais, c'est plus bleuté. C'est plus la photo. Si tu regardes, ça, c'est supposé être blanc à l'entour, donc c'est pas mal bleuté comme photo. En tout cas, je vais mettre le lien sur le cnx.cf.ca. L'article s'appelle Nintendo Revolution égale Nintendo Go. Point d'interrogation. Et Mathieu, ça va se faire un t-shirt avec la photo. Avec le logo. Juste au cas où, pour être avant-gardiste. Parce que vous écoutez l'émission qui sait tout avant vous. La connexion, l'émission prétentieuse avec ce slogan-là. Ils vont t'appeler là avant de la sortir. Peut-être. C'est bien évident. On va continuer tout de suite avec une petite chronique rapide. Comme ça, on va faire le top 5 des jeux les plus loués parce qu'on l'a pas fait depuis le début de l'émission. Les 5 jeux les plus loués en club vidéo en date 19 mars dernier. En 5e position, on retrouve Driver Parallel Lines sur PlayStation 2. En 4e, The Outfit sur Xbox 360. En 3e, Ghost Recon Advanced Warfighter sur Xbox. En 2e, Metal Gear Solid 3 Subsistence sur PlayStation 2. Et le même jeu, non, c'est pas lui, c'est Ghost Recon Advanced Warfighter qui est en première position sur Xbox 360. Les images, j'ai vu ça à télé, c'est hallucinant de ce jeu Ghost Recon, le dernier sur 360. On dirait que c'est un film, là, tu joues, c'est hallucinant. Ah, Ghost Recon, ouais. Oh, ouais, c'est vraiment, ça se peut pas. Ça m'a donné le goût, là. T'sais. Ah, ça serait qu'on pourrait avoir une commandite. Ouais, c'est ça. Pour peut-être critiquer des jeux d'Xbox 360 à la avoir une console, là. On serait les premiers. On pourrait jouer aussi. Ouais. On pourrait aussi jouer avec. Faudrait qu'ils fournissent, par exemple, une télé haute définition. Faudrait. Parce que. Puis des jeux. Une 360 sur une télé normale, là, t'as pas le. On te les appellera, tu demanderas une subvention. Exactement. Faudrait une maison aussi, parce qu'il y a une petite maison dans. Ça rentre pas une grosse télé d'un appart. Une maison. Ça prendrait une maison. Il y a un char pour se rendre à sa maison. Je suis d'accord, puis pour aller louer des jeux. Voilà. Et maintenant, le top 5 des mots-clés les plus recherchés, supposément, par les Québécois, selon les toujours sympathiques et très humbles. Sympathico MSN Canada en français. On le fait pourquoi? Pour vous montrer comment c'est ridicule. En 5e position, marijuana. En 4e, publicité. En 3e, George Clooney. En 2e, Natalie Portman. Et le mot-clé le plus recherché au Québec est Tim Hortons. C'est ridicule. Tim Hortons, Tim Horton. Tim Horton en première place. Voyons donc. Permettez-moi d'en douter. Encore une fois. C'est toujours très fiable. Hein? Moi, je n'en reviens jamais. Je pense qu'il y a une subvention derrière ça. Je pense que c'est Stephen Harper. Moi, je blâme Stephen Harper. À venir, il nous reste encore les nouveautés à faire en magasin. Il nous reste cette semaine dans l'histoire. Il nous reste un paquet de petites chroniques. Je vais essayer de passer à travers le plus de stock possible. Mais avant de continuer, vu qu'aujourd'hui, on a décidé qu'on passait pas beaucoup de musique, mais essayons de changer les choses en écoutant Antoine Graton. Je veux m'en aller tout de suite à la connexion à CFOU 89.1 FM. J'ai passé toute la journée à attendre quelqu'un qui est jamais venu. J'ai passé toute la soirée à attendre quelque chose qui aurait pu. Mais personne n'est plus sûr de rien. C'est toujours des peut-être ou des oh ben je sais plus. J'en veux plus. Je veux m'en aller en voyage et jamais revenir. Oh, je veux m'en aller en voyage et tout reconstruire. Oh, si vous essayez de me suivre, c'est que vous n'aurez pas compris. Tout ce que je veux, c'est vivre, vivre ma vie. Oh non. J'ai passé ma vie à faire mes valises, mais je suis jamais parti. J'ai passé ma vie à apprendre la langue, mais j'ai jamais rien dit. Comme un entraînement des plus sévères, comme un guerrier qui se prépare pour la guerre qui a jamais lieu. Qui a jamais lieu. Je veux m'en aller en voyage et jamais revenir. Oh. Je veux m'en aller en voyage et tout reconstruire. Oh. Si vous essayez de me suivre, c'est que vous n'aurez pas compris. Tout ce que je veux, c'est vivre, vivre ma vie. Tout le monde que je rencontre s'emmerde, s'emmerde à faire quelque chose. Mais quand t'as plus rien à perdre, y'a plus rien qui te repose. Si vous essayez de me suivre, c'est que vous n'avez pas compris. Tout ce que je veux, c'est vivre, vivre ma vie. Antoine Graton avec la toujours excellente pièce « Je veux m'en aller » de l'album « Il était une fois dans l'Est » à CNX. On parle technologie informatique et jeux vidéo. Et on est toujours en train de parler de nouvelles dans le fil. Maintenant, on va faire quelques nouvelles un petit peu plus brèves dans ce que j'appelle les nouvelles qui s'identifient seulement par leur grand titre. Elles sont compréhensibles comme ça. Elles sont rapides. Elles sont Snapshot? Slapshot? Slapshot. Moi aussi, c'est mauvais. Slapshot. Danny Lambert, maintenant. Moi, je l'ai vu à Cinépop l'autre fois. Moi, ok, trop jeune, mais... je m'excuse. Ah, ok. Donc, le nouveau jeu Super Mario Brothers sur DS va avoir 80 niveaux. Hein? c'est la première nouvelle. New Super avec les sons entre, c'est meilleur, plus efficace, ouais. Mais bon. New Super Mario Brothers et Big Brain Academy sont repoussés du 7 mai au 15 mai prochain à la place. C'est la fin de Katamari Damacy. Le site officiel a annoncé que c'était terminé. Donc, le développeur a décidé qu'il ne ferait plus d'autres jeux de Katamari Damacy. Hein? La version Alpha 1 de Firefox 2.0 a été lancée cette semaine et est remplie de bugs. Ne l'installez pas, s'il vous plaît. Bon. Lors du congrès Mix 06, Internet Explorer 7 a été annoncé en plus grand détail, disant qu'il va y avoir une nouvelle version qui va sortir presque à chaque année d'Internet Explorer 7, changeant donc les plans de Bill Gates. Des bandes dessinées de Halo vont bientôt sortir. Les sons, hein. J'aime ça, c'est très bien. Plutôt professionnel. T'es bon. Dell acquiert la compagnie Alienware. C'est ceux qui font des PC de façon... Merci. Dans plusieurs pays, donc notamment aux États-Unis et en France, la dernière version de Yahoo Messenger offre la possibilité de loger des appels de PC à téléphone et de téléphone à PC. Ouh. Le Festival Son et Images du 24 au 26 mars à Montréal va présenter des lecteurs Blu-ray et HD-DVD. Et les rumeurs commencent à circuler sur le web depuis qu'Apple a complété une demande pour un 7e brevet américain d'écran tactile, laissant planer la possibilité de la compagnie sorte éventuellement un iPod muni d'une telle technologie. Ah, c'était beau. Hein? Je suis comme tout ému, là. Ah, ben je vais lâcher mon logiciel de son puis je vais l'engager à temps plein. Pas faire autrement. On va en pub. On revient tout de suite. Pas payer à part tout parce qu'on n'a pas de budget. Écoutez La Connexion, on parle technologie, informatique et jeux vidéo sur CFOU 89.1 FM. Bon retour à La Connexion, on parle technologie, informatique et jeux vidéo. Bon, Mathieu Plante, Danny Janvier, Bruno Bolduc, etc. etc. Hein? Oui, il devient bon. Il est bon. C'est vrai qu'il est bon, par exemple. C'est vrai. Donc, dernière demi-heure de La Connexion pour cette semaine. On a encore beaucoup de choses à faire avec vous parce qu'on est comme ça, nous. On est insatiables. On aime faire des choses. On aime faire des choses. C'est ce qu'on aime faire. OK. Insatiables, petites fouilles. On commence par les nouveautés en magasin cette semaine. Parce que j'ai quand même beaucoup de jeux et vous allez me dire tour à tour si les jeux vous intéressent ou pas. Ouf. On commence par les jeux qui sortent sur plusieurs consoles en même temps. Donc, le jeu de rôle The Elder Scrolls IV Oblivion sur Xbox 360 et PC. Non. Ça, c'est un jeu très attendu quand même. Non. The Godfather. Ah. Sur PlayStation 2, Xbox ça, et PC. Ça me tente, ouais, un jeu d'action. Peut-être, ouais. Blazing Angels Squadrons of World War II sur Xbox et Xbox 360. C'est un jeu de simulation de Deuxième Guerre mondiale. Très original. Ouais. Encore. Il y a Call of Duty. Il n'y a presque pas de juste à la Deuxième Guerre mondiale. On peut les compter sur les doigts de la planète entière. Oui, c'est ça. Et le jeu de plateforme en 3D KO de Kangaroo Round 2 sur PlayStation 2 et GameCube. Sur PlayStation 2, la simulation Warship Gunner 2. Non. Le jeu de rôle Suikoden 5. Le jeu de pêche River King. Sur PSP, le puzzle Go Sudoku. Le jeu d'action Me and My Katamari. Ah oui. Le nouveau Katamari Damacy. Le jeu de stratégie Metal Gear Acid 2. Non, ça doit être bien. Le beat'em up Beautiful Joe VFX Battle. Ça, c'est toi qui avais essayé ça, Beautiful Joe. C'est bon, Beautiful Joe, j'aime bien ça. Moi, je connais pas. C'est un beat'em up, là. C'est un fesse dans le dash. C'est un pang pang boum boum bouton, là. Pang pang boum boum bouton. C'est même qu'on appelle ça. Pang pang boum boum bouton. Capable de scraper ton bouton. Le jeu de stratégie Worms Open Warfare, un nouveau jeu de Worms. Ouais, Worms, c'est pas bien, moi je veux ça. Le jeu d'action de plateforme 3D KO Challenger et la compilation Capcom Classics Remixed. Des vieux jeux. Vend bien, ça, par exemple. Les jeux d'arcade refaits. Sur DS, le puzzle Tetris DS. Personne l'attend, ça, je pense. Je l'attends. Et le shooter de science-fiction Metroid Prime Hunters. Beaucoup de gens qui l'attendent. Et on termine par Game Boy Advance, le jeu de console de rôle. Le jeu de rôle sur console. Dragon Ball Z Boost Furry DBGT Transformation 2-in-1. C'est un 2 dans 1, c'est un remake, une réédition de deux jeux en un. Tripez-vous Dragon Ball, vous? Non. Vraiment pas. Ah, moi non plus, il me semble que... Ça tombe bien. Ça tombe. Dragon Ball Z. Et en plus, c'est jeu de rôle. Pas très drôle, je trouve. Non, mais justement, tu sais, Dragon Ball, puis en plus, jeu de rôle. On rit plus. Mais non, ça, c'est le cas. Et qu'est-ce qu'il reste? Il en reste deux. Le jeu de rôle Tao's Adventure Curse of the Demon Seal et le jeu de construction et d'élevage Cats. Oh. Cats, un jeu de chien. Comme Dogs. C'est comme Nintendogs. Petite ressemblance. Mais l'autre, le chien que j'avais essayé sur PlayStation. Là. Dog's Life. Dog's Life. Je me rappelle. Moi, j'avais bien aimé ça. C'était quoi? Tu faisais une vie de chien? Exactement. C'était vraiment. C'était vraiment juste ça. C'était spécial. Non, puis ça avait l'air. Tu le nourris puis tu le fais boire. C'est un des jeux que Danny m'a quasiment vendu. J'avais quasiment envie de l'essayer. Le j'avais trouvé ça hyper intéressant. Ouais. Je pense que je suis le seul qui l'a loué. De toute l'histoire de ce jeu, j'ai vu au play. J'ai vu la place. C'est la place. Là-bas. Micro, c'est petit, puis tu joues donc. Où ce qui est plus là? Où ce qui est plus là? C'est plus là. C'est fini. OK. Au retour, il nous reste plusieurs chroniques. Je vais vous les nommer. On va essayer de faire le plus de choses possibles dans ces chroniques-là. On a Sur le plancher, qui nous reste. Ça, c'est les nouvelles insolites et mishmash. Le mashup. Okay. On a aussi sur l'écran de votre radio, on va en faire quelques-uns peut-être, quelques sites à conseiller. Et puis, il me reste aussi, ça, je sais pas, je vais peut-être le garder pour la semaine prochaine, mais j'ai envie de ramener la chronique .tv où je faisais une critique d'une émission de télé. Ça pourrait être cette semaine ou la semaine prochaine, on va voir. Tu sais, c'est comme, on est comme ça, nous autres, on roule, improvisé. On aime ça. On va l'entendre une pièce tout de suite de Hot Hot Heat. Voici Naked in the City Again à la connexion assez fou. Où ça? Au 89.1. Où ça? Sur FM, sur votre radio, à gauche. Mm-hmm. C'est ça. À gauche. À gauche. Says she's got it all, says she's got it. I don't wanna be the one to tell her that she don't. Says she's got it all, says she's got it all, says she's got it. I don't wanna be the one to tell her that she just don't. Says she's got it all, says she's got it all, says she's got it. I don't wanna be the one to tell her that she don't. Says she's got it all, says she's got it all, but she just don't. Late night in a long line, sad time. So hard, she just don't look for time. Hot Hot Heat, Naked in the City Again à CNX. On parle technologie informatique, jeux vidéo, comme si vous ne le saviez pas. Vous n'êtes pas des épais quand même. Mathieu Plante, Bruno Bolduc, qui est ici en participation spéciale pour la préparation de son émission qui s'appelle Intoxication électronique les vendredis à 1h du matin. Exactement. J'ai tout retenu. Oui, exactement, avec des DJ invités de Montréal en plus. Fait que ça devrait être assez gros d'ailleurs. Ça va être bon. C'est un des plus gros vendredis de la semaine et du mois et de l'année même, de la saison. Mais quand même, c'est un des gros vendredis. Il faut l'écouter. C'est ce vendredi qui s'en vient si vous écoutez la diffusion originale. Si vous écoutez la reprise, restez là vendredi quand même parce que l'émission va continuer. Ça. Non-stop. Non-stop. Ça, tu sais. Donc, restez là parce qu'à venir dans même pas une demi-heure, si vous écoutez le mardi, c'est l'émission Vis-à-vis, l'émission de débat qui commence. Et si vous écoutez le jeudi en direct, c'est la reprise de Pure Laine. Donc, si vous écoutez la reprise, c'est une émission originale. Puis si vous écoutez la rediffusion, c'est une reprise. C'est une reprise, exactement. C'est le fun. Ça prendrait un petit sous-titre avec des écrits de Exactement. C'est bon. OK. Donc, on va commencer ce dernier bloc de l'émission par cette semaine dans l'histoire. Donc, on va résumer un petit peu ce qui s'est passé dans l'histoire comme ça. Le 19 mars en 1972, Alan Assoff a été nommé officiellement l'inventeur de l'ordinateur. Okay? Le 20 mars 1997, l'encryption de téléphone cellulaire a été craquée. Hein? Le 21 mars en 1909, le fondateur de ACM, Edmund Berkeley, est né. Le 22 mars en 1993, Intel a commencé à envoyer son chip Pentium. C'est le début de Pentium en 93. Le 23 mars en 1928, le pionnier des ordinateurs Gene Samet est né. Et le 24 mars 1959, comment ça s'appelle? Texas Instruments ont démontré le premier circuit intégré inventé par Jack Kilby. Les informations sont sur le site cnx.cif.ca pour avoir la biographie, un peu plus de détails sur ce qui s'est passé cette semaine dans l'histoire. Fascinant. Ensuite, un étudiant de 15 ans qui vient de Salem, en Virginie, a réussi à réciter 8784 nombres ou chiffres. Quand c'est des, je pense que c'est des nombres. Des nombres. Des nombres du chiffre pi. Hein? Par cœur, c'était mardi dernier. Son père avait promis de lui acheter une Xbox 360 s'il réussissait à atteindre les 10790 chiffres de pi. Mais le gars a pas réussi, donc il s'est rendu seulement à 8784 par cœur. Par cœur. Le 3.1415, ça semble bien. C'est puis... ça, 3.14? Ouais, je pense bien. Ouais. 3.1, et j'en ai deux, dans le fond. Je parle mon Xbox, moi. Donc, le gars, il a pas réussi son défi, donc son père a fait des blagues en disant qu'il allait quand même l'acheter la Xbox 360 à son gars, mais bon, c'est pas arrivé. Donc 8000, pas de bon sens. Méchant con, le père, pareil, de demander à son gars de réciter 10790 chiffres de pi, c'est malade. En tout cas, à Austin, au Texas... ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y a une compagnie de, ben, en fait, c'est Make Magazine, c'est l'éditeur associé Philip Taroni et le gars de la recherche et du développement chez iBeam, Limor Fried, qui ont envoyé un Roomba. Tu connais l'aspirateur Roomba? Ouais. C'est l'aspirateur qui se contrôle tout seul. Ils ont mis un chandail dessus, un chandail vert, puis ils ont attaché les coins pour que ça ressemble à Frogger, et puis ils ont envoyé l'aspirateur dans la rue en voyant s'il allait se faire frapper ou pas. Puis ça s'est conclu. Drôle d'expérience. environ 1h40 minutes plus tard. Attends, qu'est-ce que ça dit ici? C'est parti qui est un petit peu long, là. Mais ouais, on peut comprendre qu'il s'est fait foncer dedans, en fin de compte. Hein. Les photos sont sur le cnx.cf.ca. Allez vous renseigner, allez voir ça. C'est magnifique. Belle expérience. Ça me tente de le faire moi aussi. Écraser une grenouille, on doit pas pu. Ben, c'est plus fun d'une vraie grenouille, par exemple. Pas que je suis violent, mais bon. Et puis, à Cuba. À Cuba, c'est rendu que l'internet est très très bloqué, si on veut. Okay. Donc c'est les Cubains qui demandaient des connexions internet bootleg. Mais récemment, Cuba est beaucoup plus proactif et bloque l'internet de plusieurs citoyens. Donc apparemment, c'est trop pour un certain Cubain qui a décidé de faire une grève de la faim pour demander un accès à internet complètement sans filtrage et sans blocage. Une grève de la faim pour avoir internet. Il était plus capable. Donc ça fait, selon la nouvelle qui était postée jeudi dernier, ça faisait 36 jours et apparemment qu'il était encore en bonne santé et qu'il refusait de prendre des médicaments. Et j'ai pas la mise à jour, mais en tout cas si je réussis à trouver quelque chose là-dessus, je vais vous dire. J'espère qu'il est pas mort. J'espère qu'il est pas mort, puis j'espère qu'au moins qu'ils ont redonné son internet. C'est cruel. 36 heures sans internet à Cuba. En tout cas, m'a posé le défi à Danny pour voir si c'est prêt. Danny, toi sans internet, est-ce que tu ferais une grève de la faim? Non. Moi je pense que peut-être que oui. Ouais. Pendant un ou deux jours. Fuck. Au moins. Les gars, fuck. Non, mais tu sais. Non, je comprends, mais c'est quand même essentiel à la vie. C'est quoi le problème de Cuba avec ça? En tout cas. Essentiel à la vie. Oui. Éternel. Alors, ça, là, c'est fort. Je pense que je vais le découper. Essentiel à la vie, je ne pourrais pas vivre sans mon Internet et mes émissions de télé. Jamais sans mon Internet. Et voilà. Internet, j'écris ton nom partout. Je suis un X, mais c'est quoi une lettre? Un W. Ah. WW. Un 3W. C'est ça que je suis. T'as un triple W. Moi, je suis un 3W. Un World Wide Web. Et voilà. Donc, sur bugzilla.mozilla.org, qui est l'endroit où on peut poster des bugs pour les logiciels de Mozilla, dont Firefox, quelqu'un a posté un message disant qu'une menace de sécurité avait défait son mariage. Ouais. Donc, ben, en fait, c'est pas un mariage, c'est la personne sortait avec quelqu'un d'autre depuis 5 ans. Et donc, ils partageaient le même ordinateur, puis en fin de compte, il y a un des deux qui a réussi à voir ce que l'autre faisait dans ses temps libres sur Internet, et puis poste ça comme étant un bug sur Bugzilla. Incroyable. Ouais. Il faisait comme toi quand tu peux pas te passer l'internet. Il crée des bugs. Alors, en tout cas, la personne poste les étapes de comment reproduire ce bug-là. C'est apparemment, la personne avait deux comptes, je sais pas trop quoi, deux comptes utilisateurs, etc. etc. Et voilà, un petit débat, parlons un petit peu de ça. La prison, c'est pas que du plaisir, vous savez, la prison, c'est souvent pas du plaisir du tout. Un nouveau programme dans l'Oregon aux États-Unis essaie de produire des meilleurs prisonniers. Donc récemment, un programme a été démarré qui permet aux prisonniers d'acheter une console de jeu qui coûte 35 US après 18 mois sans problème de discipline et jouer à un de 5. Ben, en fait, ils peuvent jouer à 50 jeux parce que la console est équipée de 50 jeux. C'est comme si des consoles qu'on peut brancher dans des... Ouais. En tout cas, donc 50 jeux là-dedans. Et ça fait partie du programme qui inclut aussi des petites télévisions et des événements sociaux, etc. Donc Cody Dudgeon, un prisonnier de 23 ans, est un de ces nouveaux gamers et il adore son système. Son jeu préféré, c'est Star Ally. Hein, c'est fun, etc., etc. Et ensuite, ça dit ici que c'est pour aider les prisonniers à faire d'eux des meilleures personnes. Aider, je crois pas. Même si tu joues à Doom puis il y a plein de sang, il va retourner dans la vraie vie pour faire pareil. C'est que les titres violents ont rapidement été enlevés de la distribution de ces jeux-là. Donc, présentement, il n'y a plus de jeux de violence. Ils ont le droit à... Juste backgammon. Et ouais. Les échecs et les dames. Tetris, yes! Cool. Ah. Serpent et échelle. Donc, ce que ça disait, c'est que le département de la justice a découvert, en faisant des recherches, que deux tiers de tous les criminels qui n'avaient pas ces jeux vidéo-là étaient réarrêtés par la suite à l'intérieur d'une période de 3 ans après leur sortie de prison. Ils jouaient à des jeux vidéo en prison. Bon, ça résoudra évidemment pas ce problème-là, mais ça pourrait être un petit pas vers peut-être rendre les personnes moins violentes et plus... vu que ça leur prend 18 mois pour réussir à avoir ce système-là, c'est comme un encouragement. Après 18 mois, si t'as pas eu de problème de discipline, c'est là que t'as ta console de jeu. Donc, dans le fond, peut-être que là, t'es rendu une bonne personne à nouveau. Et peut-être que ça va permettre aux gens après ça de... Sinon, t'es soumis au balotage. T'es soumis au balotage, c'est ça. Ici. Prisonnier Academy. Tu trouveras une boîte sous ton lit. Okay. Ouvre-la. OK. On va trouver une clé USB qui va exploser. Ah non! Est-ce que c'est une clé de 4 gigs qui s'auto-détruit? Oui. Ça doit être ça, là. Un employé de bureau canadien, lassé de la routine professionnelle, a lancé un appel aux dons à Ottawa et espère recueillir 1 million de dollars canadiens afin de pouvoir quitter son travail et faire quelque chose qui fasse une différence dans sa vie et dans celle des autres. Franchement, je vais le faire. L'homme reste anonyme. L'homme affirme avoir travaillé pendant plus de 10 ans dans la fonction publique. Il a créé le site web saveabureaucrat.com, sauveunbureaucrate.com, sur lequel il explique combien il désire quitter son emploi actuel. Et là, je cite cet homme, « Au bout d'un moment, ça commence à vous pomper toute votre énergie et toute votre âme et vous réalisez que vous êtes devenu un vrai bureaucrate. Je me sens comme un vieil aigri, frustré d'avoir à s'occuper de paperasse qui circule à la vitesse d'un escargot. » Change de job. Mais oui, change de job. Et là, il continue en disant, « La retraite me permettra d'avoir du temps libre pour des activités bénévoles telles que donner des cours particuliers à des enfants ou conseiller des gens qui traversent une période difficile. Au quotidien, je serai une personne beaucoup plus agréable à vivre. » Et fin de la citation. Même s'il s'est engagé à ne pas dépenser des donations pour s'acheter des Rolls-Royce, des maisons de 10 pièces ou des avions, l'initiative du fonctionnaire fatigué ne fait pas recette. Mercredi matin, donc hier, il avait reçu 60 $ canadiens offerts par 5 personnes différentes. Ben voyons, là. Et, ça veut dire 5 personnes qui ont payé 50 $ pour qu'il ait payé 20. C'est pas pire. Justement, on devrait se partir à un site web, nous autres. Ah oui. Save d'Animator. Sauvez-nous de cet enfer. Okay, c'est fou, non, on adore travailler ici. OK, donc voilà, aidez un bureaucrate. Allez-y, saveabureaucrate.com. Soyez généreux, donnez tout votre argent. Le numéro est en bas de votre écran. On peut-tu envoyer des cannes? Des cannes de ouais, de bouffe non périssable. Ouais, c'est une nourriture au cas où qu'il fait face à une grève de la faim lui aussi. Ah, ridicule. Il nous reste, tiens, j'ai posté, je vais vous faire, là c'est l'heure du mash-up, là, la chronique où je fais tout ce qui nous reste dans l'émission parce qu'il nous reste environ 15 minutes à l'émission. Donc on commence par des photos de la Revolution. C'est le site IGN qui a posté des nouvelles photos du matériel de la Revolution à la Game Developers je sais jamais si c'est Conference ou Convention. Je pense que c'est Conference. Tout le monde bave. Elles sont absolument merveilleuses. Regarde-moi ça comment c'est beau. La Revolution, je n'en reviens pas. CNX.cif.ca, cliquez sur More Sexy Revolution Pix. Restoration. Cette semaine, j'ai par erreur effacé quelques fichiers de mon ordinateur, une série que je m'étais téléchargée. Que quelqu'un avait téléchargé. De la porn! La porn! Oui, oh my god! C'est des gars, c'est de la porn? Ah, oh, bah oui. Ok, bon, donc j'avais de la porn que j'ai effacée par malencontreusement. Et le logiciel Restoration, qui existe depuis longtemps, qui n'a pas été mis à jour depuis 2002, mais fonctionne quand même très très bien. Je l'ai essayé. Ça fonctionne miraculeusement bien. Sérieusement. Fait que t'as re-eu ta porn? Ouais, j'ai re-eu ma porn. Sérieusement, j'avais vidé ma corbeille. Il a réussi à trouver mes fichiers quand même. Tout ce que tu fais, c'est que tu lui dis sur quel lecteur ton fichier était. Il va tout sortir, tout ce qui a été effacé depuis les dernières heures. Ou sinon, tu peux filtrer par mots, etc., etc. Et là, tu cliques sur le fichier que tu veux, tu fais restaurer, il te demande où le mettre. Il te dit de préférence de le mettre sur un lecteur autre que celui où il était originellement, parce que sinon, il pourrait enregistrer par-dessus et ça pourrait affecter des choses sur ton ordinateur. Mais le but étant que ça fonctionne puis vraiment très très bien. Restoration, c'est au geocities.jp/br-kato, mais le lien est sur le cnx.cif.ca. C'est un site japonais, mais les instructions sont en anglais. C'est très très simple, il y a quelques boutons, c'est un gratuitiel, c'est complètement free, comme je dirais. C'est super bon, sérieusement. Ensuite, Fido Style, F-E-E-D-O, qui est Doggy Style, par en arrière. C'est un logiciel qui vous permet de créer en code et d'insérer dans votre site web une boîte de couleurs que vous voulez. Il y a un choix de plusieurs couleurs, mais vous pouvez le paramétrer par du CSS. Ce que c'est des feeds RSS. Donc, des nouvelles que vous prenez, par exemple, mettons sur le site de Radio-Canada, vous prenez un RSS, vous entrez l'adresse et les grands sites vont défiler dans cette boîte-là en animation et tu vas pouvoir cliquer sur ces nouvelles-là pour aller dessus. Donc, c'est bien. C'est une espèce d'agrégation de nouvelles sur votre propre site web. Bonne idée. Ça s'appelle Fido Style. Et c'est au fidostyle.com. F-E-E-D-O-style.com. Launchy, qui est un autre logiciel gratuit qui, bon, on connaît tous les millions de logiciels qu'il y a pour lancer des programmes sur votre ordinateur. C'est une petite boîte qui apparaît, tu tapes un mot dedans, que le mot est associé à un logiciel et puis ça démarre le logiciel au lieu d'utiliser le menu démarrer. Celui-là s'appelle Launchy. Donc, très très bon logiciel qui est plus graphiquement intense. Ça ressemble quasiment à une application Mac ou à un Yahoo ou un Confabulator ou tu sais, les petits gadgets que tu peux mettre sur ton bureau par différentes compagnies. Donc, Launchy, et tu peux lancer des MP3. Par défaut, il indexe seulement ton menu démarrer, mais tu peux le configurer manuellement pour indexer n'importe quel dossier de ton ordinateur ou un disque dur, ce genre de choses. Donc, Launchy. Programme de longueur. Comment? Beau programme de longueur. Ouais, ou pour. J'ai comme des sauts de voix. Non, c'est oui, mais aussi ça sauve du temps. Si t'as beaucoup d'articles sur toi. Mettons, t'as un dossier logiciel sur ton disque dur T et puis tu veux indexer ça pour les lancer rapidement ou des fichiers texte ou des images ou de la porn. De la porn. Si vous avez de la porn, vous voulez un type spécifique de porn, tu sais, c'est vraiment pratique. Je m'en ai sorti ça. Ouais, moi aussi j'allais lancer. Ça se dit quoi? Ça se dit pas. Non, ça se dit, mais pas maintenant. Pas en ondes. Pas en ondes. Ça se dit dans le studio. Viens de voir à la chasse après. Ensuite, un nouveau site. Ben, je sais pas si c'est nouveau exactement, mais j'ai trouvé ça sur Download Squad cette semaine. Si vous avez déjà voulu suivre la route géographique d'un courriel, ça a l'air un petit peu, absurde. L'idée, c'est que, bon, tu entres ici. Bon, ce qu'il faut faire, c'est aller sur ton compte web, ton Hotmail, ton Gmail, ton Yahoo, prendre les données qu'il y a en haut du message. Il y a tant un paquet de conneries qui sont écrites en haut d'un message. Souvent, sont cachés, il faut que tu les caches, ouais. Tu les rouves. Donc, tu copies-colles ça dans une boîte qui est sur ce site-là, qui est au map.butterfat.net. Et ce que ça va faire, c'est que ça va vous dire comment le fichier a traversé les États-Unis et peut-être d'autres continents pour se rendre jusqu'à votre boîte aux lettres avec des petits drapeaux. C'est fait par Google Maps. Ben, c'est pas fait par Google Maps, mais ça tire profit, si on veut, de Google Maps. Et c'est vraiment génial. C'est vraiment très, très fun. Je peux pas le faire en ce moment parce que j'ai pas de courriel d'ouvert, mais en tout cas, allez voir. De toute façon, vous avez pas d'écran sur votre radio. Pas encore, en tout cas. Bientôt. Bientôt. Donc, allez voir cnx.cif.ca. C'est Email Graphic Trace Route. Utilisez iTunes pour faire un backup de votre musique ou une sauvegarde de votre musique. Une personne a posté sur le site onedigitallife.com les instructions pour faire une sauvegarde de votre musique. Donc, ce que ça dit, En général, si vous connaissez pas l'anglais, je vais vous faire un petit résumé quand même. C'est changer vos préférences de burn dans iTunes de CD à DVD. À la place de graver des CD, vous gravez des DVD. L'étape 2, c'est qu'il faut faire une playlist qui, à l'intérieur, a toute votre banque musicale au complet. Et quand tu fais burn, quand tu cliques sur le gros bouton burn de iTunes, iTunes sait qu'il faut diviser ça. Donc, il va graver plusieurs DVD de suite. Donc, mettons, t'as beaucoup, beaucoup de musique. Il va te faire 4 ou 5 DVD avec toute ta musique dessus. Et après ça, bon, évidemment, tu veux pas avoir à refaire un backup de ton disque dur au complet à chaque fois. Donc, tu peux faire une autre playlist. L'étape, c'est de lui dire de faire une playlist avec toutes tes tunes qui ont été ajoutées depuis une date particulière. Donc, mettons, après le 8 juin 2005, mettons. Et là, tu pourrais prendre tous ceux-là et les graver sur un seul DVD. Et ça fait des backups à chaque quelques semaines ou à chaque quelques mois. Et tu t'assures de pas perdre ta musique. Mais c'est pas magnifique comme conseil? Moi, je trouve que c'est bien, moi, comme conseil. Ouais. Non? Oh oui, ben oui. Les backups, tu crois pas ça? Non, ben je fais pas de backup d'MP3, je trouve ça ridicule. Ok, mais mettons que ton ordinateur plante et t'as plus tes MP3, tu fais quoi? Ben je vais aller les retrouver. Toute la gang, toutes tes 10 000 MP3. Ouais, sérieux, ouais. Pour vrai, tu ferais ça? Ouais, j'ai vraiment pas du genre à backuper des MP3. Les albums que je veux, je les ai en vrai. C'est les vrais albums, les artistes que j'aime, je les achète, les albums. Ah, c'est vrai, je pense pas aux gens qui sont pas des pirates. Mais non, mais sérieux, moi, les backups, les gens MP3, normaux là, qui backent leur vrai MP3, oh, ouais, c'est ça rare. Me dit rien. C'est rare. Je m'excuse. Non, j'aime ça, j'admire ton achat de CD pour vrai dans le j'en achète pas tout le temps, mais ce que je trouve sur Internet, c'est que je le sais que je vais le retrouver. C'est pas dur à retrouver, là. S'il y a un album vraiment que je veux, je vais le retrouver, c'est clair. J'aime ça, c'est très, très bon. Ici, on trouve... Je vais commencer le téléchargement d'un autre MP3 parce que je vais vous parler dans quelques minutes. On va essayer d'écouter un MP3 qui est un scan. Okay? C'est que quelqu'un a scanné sa radio le soir de la mort de John Lennon. Il y a 25 ans, sur la bande FM, juste après que la nouvelle soit sortie, l'enregistrement a été fait par quelqu'un qu'on connaît pas, mais qui est inclus sur une compilation CD qui s'appelle Radio Archival Oddities Volume 2 sur le blog.wfmu.org. Vous allez pouvoir trouver ce MP3-là. Donc, on va l'écouter dans quelques minutes, mais avant... Si vous avez déjà vu des backgrounds, des arrière-plans, des wallpapers, des papiers peints, il y a comme 6 façons de le dire, de Mac, vous avez trouvé ça cool, vous vous dites que ça doit être fait avec un logiciel 3D tellement c'est beau. Non, ça se fait dans Photoshop. Les instructions sont sur le site de InDesign Studio qui vous montre vraiment comment faire un fond à la Mac avec un fade, ensuite bon les paths, tu fais un paquet d'affaires comme ça. C'est pas si compliqué que ça, là, gars, ça a pris 4 étapes. Là. Vous pouvez faire vos propres arrière-plans. À la 3D, ça. À la 3D, oh, wow, de Mac, ça. Avec les couleurs que vous voulez. C'est magnifique. J'aime vraiment ça. Et ça, par exemple, c'est quelque chose que je pourrais vraiment faire. T'sais. Oui. Contrairement à des choses que je promets ici et que je fais jamais. Le projet expérimental Pi 10K essaie de convertir les 10 000 premiers chiffres de Pi, parce qu'on a parlé tantôt du gars qui est... Bon, on se rappelle dans ce cas. Donc, de transférer ça en séquence musicale. OK? Vous allez me dire, mais de quoi tu parles, Mathieu? T'sais, parce que mon nom, c'est Mathieu. Bon. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est que... Je vais baisser le fond. Et ici, on a un piano. Donc, on vous dit sélectionner jusqu'à 10 notes. Et moi, j'aime bien cette petite mélodie-là. OK? Je pense qu'il m'en manque quelques-unes encore. Et là, on fait begin. Et il va reproduire... En haut, il vous montre même les chiffres de pi qui reproduit avec les touches du clavier. La position de pi, la 30, 31, 32. Incroyable. Et ça, c'est pi. T'sais? Stupéfiant. Et il y en a 10 000 comme ça. Là. Ça finira jamais, là. Donc, aussi bien l'arrêter tout de suite. Donc, c'est le projet pour convertir Pi en musique. Ça n'a aucun but, mais c'est quand même un noble. On va shooter au goutte tantôt, justement. Oui, c'est vrai. C'est cool. Ensuite, j'ai réussi à télécharger le MP3 du soir où John Lennon est mort. On va écouter de quoi avait l'air la radio à ce soir-là, quand c'est arrivé, quelques minutes après. Voici ce que ça donne à peu près. Il va sûrement passer quelque chose à un moment donné. This year, his first major interview in 5 years, Lennon said he had wanted to leave the Beatles as early as 1966, but did not make the move until 4 years later because he said. Tu sais, il commence déjà à parler juste quelques minutes après. Il y en a qui pensent encore la musique, peut-être que c'est pas assez important pour eux. Mais c'est une belle tranche d'histoire. Ouais, on a eu deux postes de radio qui passaient des Beatles différents, donc ça devait être pour ça. Ouais. Donc on sait pas qui a pris ça, mais c'était à New York, la radio WFMU. Donc allez écouter le MP3 qui dure seulement 6 minutes, donc c'est quelque chose de rapide à écouter, puis c'est en même temps une belle tranche d'histoire, donc à écouter ça. Ouais. Donc voilà, l'article s'appelle New York City Radio, The Night John Lennon Died, MP3. Sur g2p.org, utilisez Google pour localiser des MP3. Okay? Donc l'interface est très très simple, artiste ou chanson. Tu peux aussi choisir de chercher des livres. Et ce que tu fais, c'est que tu tapes un groupe, par exemple, de Beatles, comme c'est déjà écrit par défaut ici. Et ce que ça va faire, c'est que ça utilise une technique dans Google qui est les petits mots avec des deux points. À la suite, donc, par exemple, InTitle, deux points, Index of MP3, plus de Beatles, en parenthèse, moins HTML, etc. Ce qui fait que ça trouve des MP3 sur Google. Une façon de contourner la loi. Aussi. Presque. Mais quand même, un beau petit conseil. Allez voir ça. Et faites rien de mal avec ça, s'il vous plaît. Hein, ça va changer c'est les choses. C'est quoi donc l'adresse? g2p.org. Et voilà. Et je regarde ça ici, je regarde l'heure, là, puis c'est pas mal l'heure d'y aller. Donc on va quand même remercier les gens qui ont participé à l'émission aujourd'hui. Dany Janvier, merci d'avoir été là. Bonjour. Et on se retrouve dans l'émission E3, l'émission de techno. Oui, pas ce soir, c'est mon ami Dominique qui fait l'émission ce soir. Et la semaine prochaine? Oui, la semaine prochaine, c'est moi qui vais être là. Ça va être la semaine prochaine. Pour ceux qui écoutent la reprise, c'est à demain. Demain. Dodo. Cool. On remercie Bruno Bolduc. Exactement. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été notre public en studio aujourd'hui. Ça a bien été. Et participatif en plus. Oui, en plus, j'aime ça, un public qui participe. C'est ouais. Donc, on va le retrouver dans l'émission L'intoxication électronique. Exactement, le vendredi à 1h avec deux DJ invités de Montréal, DJ Enki et DJ Ulrich Van Bell. Alors, wow. Intéressant. Ça va être bon, c'est les vendredis soirs à 1h juste après votre séance d'électrochoc. Et après les palmarès que je co-anime avec Jack. Ah. C'est là que je vous retrouve, moi, les vendredis soirs de 17h à 21h dans les palmarès C'est fou avec Jack et Mathieu et des collaborateurs des fois. Et aussi, je vous retrouve dans La Chance au coureur, l'émission qui découvre, analyse, critique et décortique les nouveautés musicales reçues à C'est fou. Ça se passe les vendredis à 11h, en rappel, les mardis à 13h. La rediffusion de La Connexion, c'est les mardis. Hein, les mardis à 10h et la date de la prochaine diffusion, je crois que c'était le 28 mars 2006. Donc, merci d'avoir écouté. Merci Dany, merci Bruno et merci à tout le monde qui pense à La Connexion, qui l'écoute sur le stream au cifou.ca, qui vont voir le site au cnx.cifou.ca. Je resterai bien avec vous encore pour une autre heure, mais on n'a plus de temps. Donc on se termine comme ça. Faites attention à vos genoux. Bonne journée. Bonjour à vous. Et bonne chance. Bonne chance, Dany.